Sifirigidi a Zanzibar. Jumbo Jumbo, bonjour bonjour, caribou, bienvenue à vous. Suivez le guide, vous emmène dans l'océan Indien, l'Afrique de l'Est en Tanzanie, au sud du Kenya, pas sur le continent, mais sur une île dont vous connaissez toutes et tous le nom, parfois en ignorant qu'elle est tanzanienne. La Tanzanie actuelle, notre guide nous l'apprendra dans cette première émission, est née de l'union du Tanganyika et de Zanzibar le 26 avril 1964. Zanzibar, Zanzibar, je sais même pas où ça se trouve moi, Zanzibar. La Tanzanie, ce sont 945 000 km², plus de 51 millions d'habitants, essentiellement bantous. La capitale est Dodoma, située à l'intérieur des terres, mais le principal pôle économique est l'ancienne capitale Dar es Salaam, située sur la côte, en face de Zanzibar. Et il est parfois plus économique de choisir un vol vers Dar es Salaam, puis de rejoindre Zanzibar en ferry rapide. Les langues officielles sont le swahili, l'anglais, mais l'arabe aussi est parlé, notamment à Zanzibar. Zanzibar est un archipel formé de trois îles principales, Unjuga, Pemba et Mafia, ça ne s'invente pas. Puis plusieurs autres petites îles. Unjuga, appelée à tort Zanzibar, est la principale île de cet archipel, où a été construite la ville de pierre, Stone Town, que nous allons parcourir avec Ousmane, notre guide. Je pars pour Zanzibar. Suivez le guide à Zanzibar, première émission, faisons tout de suite connaissance avec notre guide, que nous pourrions surnommer Mitraillette en raison de son débit verbal, mais Hakuna Matata, pas de problème. Jumbo les touristes. Jumbo les touristes. Je m'appelle Ousmane, je suis de Karibou, Zanzibar, bienvenue à Zanzibar. Donc caribou, alors caribou, caribou ça okay. Veut dire bienvenue à Zanzibar. Bienvenue, bienvenue à Zanzibar. Bonjour, c'est Jumbo. Jumbo. C'est facile. C'est facile, hein, c'est facile. Les premiers mots qu'il faut apprendre, alors la langue c'est en swahili. En swahili. Oui, Jumbo. Jumbo ça veut dire donc bonjour. Bonjour. Caribou. Caribou. Bienvenue. Bienvenue. Et ensuite ? Ensuite, Hakuna Matata, peut-être. Hakuna Matata. Alors, pas, tout de monde... problème, pas de problème. Pas de problème. Ah, tout le monde connaît ça. Mais tout le monde connaît ça à cause de oui. Roi Lion. À cause oui, de... fait, le Roi Lion. Hakuna Matata. Quoi ? Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. Hakuna Matata. À cause du dessin animé, de la comédie musicale. Oui, tout à fait. Hakuna Matata, c'est connu dans le monde entier. C'est connu dans le monde, oui, tout à fait. Et ça veut dire pas de problème. Pas de problème. Il n'y a pas de problème à Zanzibar. Pas de problème à Zanzibar. Hakuna Matata. Hakuna Matata à Zanzibar. En swahili d'abord ? Non, non, non, maintenant en français. Ousmane, nous allons partir à la découverte de la vieille ville de Zanzibar, de Stone Town. Et quel est le nom original ici de la ville ? C'est... Ce quartier-là s'appelait Shangani. Shangani. Ousmane, on va partir se balader. Alors c'est facile hein, de visiter Stone Town à pied ? Oui, c'est facile à pied. Simplement, quand on découvre pour la première fois, on peut se perdre. Hein. Les touristes peuvent se perdre alors, tout seul. On peut se perdre. Mais avec les guides, par exemple. Hein. Avec le plan, facile, déjà. Avec le plan, comme guide. Avec Ousmane, comme avec guide. Avec Ousmane, pas de souci aussi, normalement. Parce que les ruelles sont étroites. Hein. Les ruelles sont étroites, c'est pas facile de trouver le chemin précis. Mais bon, on est parti avec vous, on ne va pas le faire. Hein. Allez. En commençant nos premiers pas, Ousmane, dans cette ville historique, le quartier historique de la ville. Alors, il s'est classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2000 à peu près. De l'UNESCO depuis 2000. Tout à fait. Et parce qu'il y a des bâtiments différents, par exemple, les hôtels, les restaurants, les mosquées, les églises, les temples hindous, avec les beaux palais qui sont là-bas aussi. Ça, c'est les vieilles maisons de l'époque. Quand on dit Zanzibar, on dit l'île de Zanzibar, mais en fait, Zanzibar, ce sont deux îles. Zanzibar se compose de deux îles, avec les atolls autour. Les atolls on, oui, on dirait que c'est un archipel niché de l'ensemble des Indiens, en général. Ça a été dérivé d'un mot arabe et perse à l'origine. Zanz, c'est des Zenj, en perse, ça signifie des noirs. Et Bar, ça est un mot arabe à l'origine, ça veut dire la terre, ça fait la terre des noirs. À Zanzibar, la terre des noirs. La terre des noirs. Mmh. La terre des noirs. Et en fait aussi, il y a à peu près 1 300 000 d'habitants sur les deux îles avec les atolls autour. 1 300 000 habitants, donc à Zanzibar, et l'autre île. Hein. Avec l'autre île. L'autre île, c'est Pemba. Pemba. Avec les atolls. Avec les atolls. Ça, c'est le rassemblement de 2013 à peu près. On a fait ça. Avant l'indépendance, Zanzibar. Donc l'indépendance, c'est en quelle année ? 1963. 63. Avant 63. Et les Anglais, ils ont fait le recensement. Sous Zanzibar, il y avait presque 300 000 habitants. À 300 000 habitants seulement ? Oui, seulement. Donc la population a vraiment... Oui, la population a augmenté rapidement. Augmenté rapidement. Parce qu'on fait les enfants. Ah. 5 enfants par femme. 5 enfants, oui. La moyenne. Mmh. Et je voyais qu'il y avait une espérance de vie qui n'est pas très élevée. Hein. Ah, l'espérance de vie, c'est très bas. Elle est basse. C'est très bas. Ah, c'est très bas. Ça, c'est à cause des maladies, par exemple. La pauvreté. Avec les maladies. Donc une cinquantaine d'années. Oui, oui. En moyenne. Hein. En moyenne. Hein. Un peu plus pour les femmes. Oui, un peu plus pour les femmes. Mais une cinquantaine d'années, pas davantage. Kikisha alama zifuatazo ziwemo kwenye CD kabla ya kununua. Ya kwanza, tafuta nembo ya Umoja Audiovisual East Africa Limited kwenye CD ya Umoja. La ville historique, effectivement, de Zanzibar, Stone Town. Alors, Stone Town, c'est facile hein, de traduire de l'anglais. Okay. Donc, c'est la ville de pierre. La ville de pierre. C'est la ville de pierre. On l'a surnommée ainsi, ville de pierre, parce que beaucoup d'habitats traditionnels n'étaient pas en pierre. Hein. C'était plutôt des cases, c'était... En fait, avant 1800, il n'y en avait rien ici. Il n'y avait qu'un seul bâtiment qui a été construit par les Portugais. Ça s'appelle la forteresse portugaise. Et parce que les Portugais, ils étaient les premiers Européens pour l'Afrique de l'Est. Ah, les premiers Européens en Afrique de l'Est, les Portugais. Et d'abord, ils ont navigué pour l'Afrique du Sud, ensuite l'Afrique de l'Est, l'Inde. Perse et Oman. Oman. Et après, il y a des liens vraiment avec Oman et Zanzibar. Oui, hein. Tout à fait. Donc Vasco de Gama est passé ici ? Le premier navigateur, c'était Basse Modias, qui n'a pas réussi. Il a fait la moitié du trajet. La moitié du trajet. Ok, et ensuite, il est rentré, il n'a pas réussi à cause des vagues, grosses vagues, de l'océan Atlantique. Portugal. Ah, Portugal, par là. Ensuite, l'Afrique du Sud. C'est ça. Et l'océan Indien, mais jusqu'à l'Asie. On disait qu'on peut se perdre dans ces rues du quartier historique de Zanzibar. Effectivement, on pourrait s'y perdre, mais pas avec vous. Il y a tout un dédale de ruelles étroites où les voitures ne peuvent pas toutes passer. Ah, les voitures, non. On marche à pied. Sinon, il y a des Vespa, des vélos. Ouais. Ça, c'est plus pratique. Bon, ben, on vous suit. Hein. Ok, on y va. Ok. Alors je pense que les visiteurs à Ousmane qui se promènent dans ce vieux quartier de Zanzibar vont s'arrêter, auront envie de s'arrêter souvent devant les portes des maisons. Oui, normalement. Parce que les portes des maisons sont magnifiques. Hein. Oui, exact. Elles sont belles. Bon, peut-être pas celles-là. Ensuite aussi, Zanzibar est réputé de ses portes. Toutes ces portes-là ont été construites, ont été fabriquées par les Indiens en Inde au 1800. Elles venaient d'Inde. Ça date pareil que les maisons. Et elles ont été beaucoup travaillées, il y a beaucoup de motifs. Le bois, le bois est sculpté. C'est hein. Plutôt bien sculpté. Et le bois, c'est le bois de l'acajou ou le teck, les deux. Il y a des motifs traditionnels. Il y a des belles feuilles, des fleurs. Des feuilles, des fleurs. Quand la porte est arrondie tout à haut là-bas, ça c'est le style indien. Ça c'est style indien, style et arrondi oui, hein, oui, au-dessus. Oui, tout à fait. Ensuite, si c'est carré, c'est le style arabe. Il y a Ousmane sur ses portes comme des pics, alors des pointes. C'est en bronze, alors c'est pointu effectivement. C'est comme si c'était un élément de défense. Parce que normalement, en Inde là-bas, à l'origine, il y avait les chefs locaux qui s'appelaient Maharaja. Ils se battaient contre les autres. Pour le territoire, et ensuite ils venaient attaquer avec les éléphants. Ensuite, c'est les éléphants qui poussent les portes. Ah, c'est ça, effectivement. Pour entrer dans les maisons. Pour forcer la porte. Et pour forcer la porte. Et ensuite, les gens de la maison, les locaux, ils faisaient ça. Pour empêcher que l'éléphant. Empêcher contre les éléphants. Ah, oui. C'est des défensifs en général. Ah, donc c'est vraiment défensif, défensif. Contre l'éléphant. Tout à fait. Hello. Jumbo. Ok, chez nous, ça reste juste comme ça. La décoration, ça aussi, c'est comme un souvenir d'Inde. Hein. Parce que chez nous, il n'y a pas d'éléphant. Non. C'est tout pour la décoration. Ok. Et dans le programme, depuis que tout ce quartier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on refait, on restaure, on rénove les portes. Non. Normalement, c'est le local qui fait la restauration plutôt. Ce n'est pas l'UNESCO qui fait. Ah, l'UNESCO ne fait pas. Ah non. Ouais. Peut-être les gens, les Européens ou les Américains, ils achètent les vieux bâtiments, ils les transforment comme hôtel ou restaurant n'importe. Ensuite, elles mettent les portes, les belles portes, les nouvelles. Exact, les nouvelles portes. Ah, on les remplace. Non, les remplace. Dans le style traditionnel. Oui, tout à fait. Mais là, celle devant laquelle on s'arrête, c'est une vraie vieille porte. Ça, c'est une vraie vieille porte qui a été fabriquée en Inde par les Indiens. Mmh. des habitants ici, donc de cette ville. Alors l'origine de la population ici à Zanzibar et les habitants donc de Stone Town. Il y a un mélange entre les descendants des commerçants de l'époque et puis la population africaine. C'est plutôt alors d'origine quoi ? Vous par exemple, comment seriez-vous, Ousmane ? Moi, je suis d'origine africaine, par exemple. La population de cette ville normalement s'est métissée. Il y en a qui se marient entre les Noirs et les Arabes. Et les Indiens, ils se marient entre eux, les Pakistanais entre eux, les Chinois entre eux. Et il y a aussi les Arabes du Yémen qui se marient entre eux. Les Arabes du Yémen. Les Arabes du Yémen, ils viennent de Hadramout. Vous qui êtes alors d'origine africaine, l'origine ce sont les Bantous. Les Bantous à l'origine, ils parlaient les langues tribus, qui s'appellent Bantous aussi. Ils sont venus ici à peu près au début du 1er siècle. Hein. Et ils sont installés dans le nord de Zanzibar, dans une île qui s'appelle Tumbatou. C'est un atoll. Hein. Et ils ont construit la belle ville. Ensuite, quand les premiers voyageurs, les Arabes de la côte, les Arabes de Syrie, d'Égypte, etc. aussi, se mariaient avec les djihadistes. Ils ont fait pour la population cosmopolite. Ensuite, les Arabes aussi de l'Arabie Saoudite, par exemple, ils sont arrivés ici au 7e siècle. Au 7e siècle. Ah oui, pour islamiser. C'est pour ça, les djihadistes, c'est les musulmans plutôt, par rapport aux chrétiens. Alors, si on regarde la population et la religion plutôt en Tanzanie, la majorité de la population tanzanienne est chrétienne. Mmh. Mais ici à Zanzibar, c'est pratiquement totalement musulman. Il y a quelques pourcentages de chrétiens, hindouistes, oui. Et ensuite animistes aussi. 95% musulmans. Mais c'est beaucoup moins ailleurs en Tanzanie. Oui, tout à fait. Mmh. Et Ousmane, bah, vous êtes musulman. Okay. Oui. Le sang mort ou l'air pour mon pays. Mirode mon paradis. L'île Zanzibar mon paradis. Suivez le guide, est à Zanzibar au large de la Tanzanie, 2 heures de bateau environ depuis Dar es Salaam, la capitale économique du pays. Sur l'île de Unjuga, nous parcourons la seule vieille ville de l'île, Stone Town, appelée parfois Zanzibar City, en compagnie de notre guide Ousmane. Ça peut être un thème de visite, de balade ici dans la vieille ville de Zanzibar. C'est les portes. On peut choisir de faire le tour juste pour aller regarder les portes. Il y a vraiment des touristes qui sont passionnés par les portes. Il y a quelques pourcentages qui aiment bien les portes. Il y a quelques pourcentages qui aiment bien les musées. Ouais. Il y a aussi quelques pourcentages qui aiment bien l'histoire de l'esclavage. Ça n'est pas lequel. Ouais. Mais il y en a qui font tous en même temps. Ça, c'est majorité. Jumbo. Il y a école aujourd'hui. Hein. Là, ouais, l'école est finie, là. C'est fini. C'est l'école coranique. Hein. Il y a aussi l'école publique, hein, parce que c'est lundi. Mm-hmm. Lundi jusqu'à vendredi, c'est l'école. Et ensuite, samedi, dimanche, c'est le repos. Si on évoque l'histoire de Zanzibar, ça a été une histoire quand même très tourmentée, hein, l'histoire de Zanzibar. Oui, tout à fait. Il y a les Noirs d'abord qui sont arrivés, et ensuite les Arabes de la côte, les Arabes de l'Arabie saoudite, et ensuite les Portugais, les Perses. Et ensuite, les Arabes d'Oman. Les Arabes d'Oman, oui. Et ensuite, les Anglais aussi, c'était comme ça. Et ensuite, Zanzibar s'était rattaché à Tanganyika juste après l'indépendance. Tanganyika, ça fait Tanganyika et Zanzibar. Ouais. Ils ont fait le rattachement récemment, en 64, pour faire la Tanzanie, simplement. Parce que c'était Tanganyika. T-A-N, Tanganyika, Z-A-N, Zanzibar. Ça fait la Tanzanie. À Tanganyika. Et Zanzibar. Et Zanzibar, ça devient Tanzanie. Tanzanie, tout à fait. Tanganyika. C'est l'origine du mot Tanzanie. Oui, tout à fait. C'était Tanganyika à l'origine. C'est les Allemands qui ont dit ça, c'est le territoire de l'Afrique de l'Est qui s'appelle Tanganyika au Berlin. Les Allemands, quand ils ont occupé Tanganyika, oui, le continent, ça a été colonisé par l'Allemagne. Par les Allemands. Et les Allemands, quand j'étais à la conférence au Berlin, ils ont dit ça, c'est Tanganyika. Ensuite, Tanzanie, c'est le rattachement, c'est comme j'ai dit, tout de suite après l'indépendance. Un mot né de Tanganyika et de Zanzibar. Oui, tout à fait. Tanzanie. Oui, Tanganyika, Zan, c'est Zanzibar. Et ensuite, Tanzania, Tanzanie. Ah, donc là, on est dans une grande rue, enfin une rue large, hein, une rue large de la vieille ville. Tout à fait. On est près de la poste. Ensuite, il y a les gros magasins indiens avec les magasins swahili. Tout le monde fait le commerce. Et il faut beaucoup marchander. Il faut beaucoup marchander en général. Combien au moins ? Il faut diviser par... Ah, il faut... Au moins diviser par deux. À peu près la moitié. Au moins la moitié. Au moins la moitié. Mais si le prix, il est fixé, on ne discute pas. Alors il y a des magasins avec de très très belles pièces d'artisanat. Oui, oui. Zanzibar yetu, hakuna matata. The best Zanzibar music, my friend. Jambo jambo, pole pole. Total is 14 songs, my friend. C'est, donc ça c'est quoi? C'est un CD? Yeah. No problem, hakuna matata. Hakuna matata. Sure for you, my friend. Merci, alors merci c'est... Asante. Asante, asante sana. Nous arrivons devant une maison qui a été la maison d'habitation d'une personne qui est connue aussi dans le monde entier. Hein. Ici, ça c'est, on est en face de la maison de Freddie Mercury. Et ensuite, lui, il était un musicien célèbre qui chante en Europe en général. Oui. Il habitait à Londres. Hein. Et Freddie Mercury, dans l'histoire, il est né à Zanzibar dans les années 1946. 46. Ouais. Ici à Stone Town. Hein. Ici à Stone Town, hein, je parle d'ici. Et ensuite, au début, son papa, il est né en Perse, il est parti pour l'Inde, et ensuite Zanzibar, ici, il travaillait à l'époque du gouvernement britannique comme un comptable à la Maison des Merveilles. Et ensuite, son papa, il s'est marié avec la madame indienne sur Zanzibar. Avec une indienne? Oui, une indienne. Mm-hmm. Et Freddie Mercury, donc, il est né... Donc il était persé indien en même temps, oui, indo-perse. Oui, tout à fait. Freddie Mercury, il est né comme Farouk Boussara. En Perse. Et ensuite, il habite ici, dans cette maison. Donc ça, c'est pas une très vieille maison, hein, c'est pas très vieille maison. Aux autres, c'est pas les maisons qui ont des siècles. Et ensuite, Freddie Mercury, il habitait là, 9 ans d'âge maximum. Jusqu'à 9 ans. Jusqu'à 9 ans. Et ensuite, il est parti pour l'Inde, il habite à Bombay. Ah, il habitait Bombay. Il a fait des études à l'école qui s'appelle St. Peter Boarding School. Et ensuite, il est parti pour Londres. Hein. Mm-hmm. D'abord voilà. Aussi, il a fait des études. Il était talent pour la musique. Et à la fin, il est devenu comme un musicien célèbre. Avec le Queen. Mais ça, tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas qu'il est né à Zanzibar. Certains, peut-être parfois des visiteurs que vous accompagnez, découvrent ici que Freddie Mercury est né là. Et c'est ici. Une surprise. Ah, c'est une surprise, c'est vrai ça. Et ensuite, Freddie Mercury, il est mort hein, du sida, hein, mm-hmm. à l'âge de 45, de 24 à Londres, novembre 91. Il y a plus de 20 ans déjà, 1980. Mm. Et quand il était connu, il est revenu ici à Zanzibar, quand il était déjà célèbre, Freddie Mercury. Ah non, jamais de la vie. Quand jamais il est parti, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Ah non. C'est tout. Ouais. Il n'a pas aimé Zanzibar. Voilà, et cette maison donc, où a vécu Freddie Mercury, c'est pas très joli, hein, c'est honnêtement. Hein. C'est pas typique aussi. Hein. C'est pas typique. En général, oui. C'est pas typique comme maison, comme bâtiment. Et il y a aussi quelques photos de Freddie Mercury avec la couronne. Ouais. Il y a aussi Freddie Mercury sur la photo avec Michael Jackson. Avec Michael Jackson, effectivement. Et puis on peut lire au-dessus Mercury House. Mercury House. Voilà, une maison jaune de 2 étages, mais pas très jolie. Mais c'est la maison de Freddie Mercury. Simplement. Can barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me? I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? Les épices, les fruits, les plantes, nous allons les découvrir en visitant une spice farm, une ferme aux épices, il y en a plusieurs dans l'île, qui vous propose les Spice Tours. Rien à voir avec la tournée des Spice Girls. Faisons tout de suite connaissance avec notre guide à la ferme aux épices, toujours zen à Zanzibar, Hakuna Matata, pas de problème. Bonjour, en fait. Bonjour. Je m'appelle Julien. Je vais être votre guide ici à la route des épices. La route des épices, oui. Ouais. Mm-hmm. Mais ici, habituellement, on va voir toutes les épices qui poussent ici. Toutes les épices qui poussent ici à Zanzibar. Eh bien, merci d'être notre guide, Julien. On se trouve où? Si on regarde la carte de Zanzibar, on est où à Zanzibar à peu près? En fait, ici, en fait, on est un petit peu au centre. On peut au centre, centre. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Au centre de l'île. Voilà. Et on est dans ce qu'on appelle une ferme aux épices. Ferme aux épices. Spice Farm. Spice Farm. Aux épices. Oui, c'est comme ça. Donc, c'est une visite qu'on fait à pied? Oui, ouais, c'est une visite qu'on fait à pied, comme ça. Toujours les jours, vous utilisez des épices, oui. Mais vous ne connaissez pas comme les épices poussent. Mais nous, on les connaît en sachet, en fait. Quand ouais. on va les acheter dans un magasin, voilà. Les épices sont déjà dans un sachet. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, on va voir toutes les épices qui poussent là. C'était vraiment des plantations. Ouais. sur lesquels travaillaient aussi, à l'époque de l'esclavage, il y a des esclaves qui travaillaient dans les plantations d'épices. Il y avait les esclaves, en fait, qui travaillaient ici pour cultiver des épices. Parce qu'ici, Zanzibar, avant, en fait, on a cultivé beaucoup des épices qui sont bons. La qualité des épices à Zanzibar. Oui, la qualité, voilà. Et aussi, là, on produit comme le clou girofle. Ça, c'est la vedette, hein, à Zanzibar. Oui, c'est ça. Ça, en fait, c'est les épices qu'on exporte ici à Zanzibar. On exporte beaucoup comme les clous girofles, comme ça. La cannelle aussi. La cannelle. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, je n'ai aucune idée de la façon dont pousse le clou de girofle. Ouais. Très honnêtement, je ne sais pas. Ah, ok. Là, on va voir, en fait. On dit Hakuna Matata. Hakuna Matata. Pas de problème. Pas de problème. Hakuna Matata. Ain't no passing grade. Mais on dit toujours à Zanzibar Hakuna Matata. Toujours, oui. Mais alors, et quand il y a un problème, alors, ouais, qu'est-ce qu'on dit? Kuna Matata. Kuna? Kuna Matata. Ou bien Yapo Matata. Ah, ça veut dire que là, il y a un problème. Et là, il y a un problème. Yapo Matata. Yapo Matata. Yapo Matata. Mais là, toujours Hakuna Matata. C'est comme ça. Ce qui est fou, c'est que depuis le Roi Lion, tout le monde, dans le monde entier, tout le monde connaît Hakuna Matata. Oui. Ah, oui. Même si, sans être revenu à Zanzibar ou en, oui, Tanzanie, oui, même sans parler Swahili. C'est Hakuna Matata. C'est mondialement connu. Oui. Mais vous connaissez Hakuna Matata, en fait, avec le Roi Lion. Mais fait, oui. Oui, là, on va commencer. On va faire comme la classe, comme à l'école. Oui. On va vous donner quelque chose. Après, uh-huh, vous allez dire, moi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Après, il y a une interrogation. C'est alors. Ça. C'est ça. Julias. Oui. Julias, c'est le prof. C'est ça. Kwa huzuni tukakupokea, tukakuona wa maana kumbe ni mbea. Et alors, qui est propriétaire, par exemple, de, ouais, cette... Ouais. De cette ferme aux épices. Oui, ça, on fait la plantation des épices, ça appartient à l'État. À l'État. L'État, oui. Mmh. Alors, en fait, ici, les villageois, ils viennent, ils cultivent comme ça. Après, ils construisent des boutiques. Il y en a des magasins des épices là. Si les touristes ils vont acheter des épices, ils touchent un petit peu quelque chose. Pour les enfants, mmh, ouais, mmh, c'est comme, mmh, ça. Et sinon, là, c'est vendu aussi, il n'y a pas que la vente pour les touristes, c'est, ouais, vendu aussi. Voilà, extérieur. Mais ça, en fait, c'est une démonstration. Ça, en fait, c'est la citronnelle. Et la citronnelle, en Swahili, on l'appelle mchai chai. Pourquoi mchai chai? Oui, on fait du thé. Pour le thé. Pour, mmh, le thé, oui. Ouais. Et ici, pour faire le thé, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On coupe les feuilles. On fait infusion comme ça, après on boit. Alors la citronnelle, c'est... Comment c'est comme ça. Alors c'est de l'herbe, c'est de l'herbe, hein, ça ressemble... C'est ça. Vraiment, c'est une herbe assez haute, comme une botte, effectivement. Et puis on cueille, et dès qu'on frotte ses feuilles, ça sent vraiment la citronnelle. Hein. Donc la citronnelle qui éloigne les moustiques aussi. Ouais, et chez vous, vous utilisez les bougies contre les moustiques. Mais ici, Zanzibar, ça marche pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On coupe les feuilles, on les fait sécher. Finalement, on les brûle dans la maison. Si dans la maison, il y a les moustiques, tous les moustiques, ça va. Parce que les moustiques, ils n'aiment pas l'odeur de la citronnelle. Mais pourtant, ça sent bon. Hein. Alors, quand tu as la question, je suis bien, je suis bien. Zanzibar, usinipe, minyama kinuka chomo shimi la zetu siye, nizumu ndani ya upishi. Allez, autre plante avec des feuilles. Ça ressemble comme du cannabis. Mais c'est pas du cannabis. Mais c'est pas du cannabis. Ça, c'est du manioc. Ah, du manioc? C'est du manioc. Et manioc, normalement, on utilise les racines. C'est ça, la racine de manioc. Hein. Oui, la racine, mmh, de manioc. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe les racines comme ça. Après, on les fait cuire, ouais, avec l'eau de noix de coco. En fait, lait de noix de coco. On les fait cuire avec, en fait, du poisson. Ah, avec du poisson, ouais, avec, ouais, du poisson comme ça. Mm-hmm. Et des fois, on fait polenta ou bien ugali. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe les manioc, on les fait sécher. Après, on les prend en poudre. On fait polenta. Et les feuilles jaunes qui poussent là, vous voyez, qui, un petit peu, mm-hmm, qui sont un petit peu marron, mm-hmm, ça, on utilise comme légumes. Ah, comme légumes, la feuille comme de légumes, manioc. Oui, comme des épinards. on les prend là, après on les broie. Mais seulement les feuilles qui sont plutôt ouais, marrons. C'est ça, qui sont ouais, marrons comme ça. Donc la racine de manioc. Voilà. Utilisée effectivement comme de la polenta. Comme la polenta, on fait polenta avec. La polenta de, ouais, de manioc. Polenta ah, de ouais, manioc, ouais, mmh, c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas goûté encore. Hein. Mmh. T'as déjà goûté ça, non, manioc, non? Le manioc, oui, mais pas la polenta de pas, manioc. Pas hein, la polenta. Il est noir un petit peu comme ça, mmh, et ça colle en fait. Et là, en fait, Zanzibar, quand on a fait la révolution de Zanzibar, en 1964, mmh, le premier président de Zanzibar était Abedi Amani Karume. Alors, lui a décidé pour donner à chaque famille 3 hectares. À 3 hectares. Oui, pour faire n'importe quoi. Mmh. Ouais. Il y en a les autres qui sont cultivés comme au manioc. Il y a les autres qui sont cultivés comme des épices. Mais il y en a les autres qui construisent des maisons. Et là, c'est quoi? Ça, c'est du café. Un caféier. Caféier, voilà. Et ici, Zanzibar, on a 2 sortes de café. Bon, c'est un arbre assez haut. Hein, là. Ah oui, c'est haut. Et là, en fait, Zanzibar, il y en a Robusta et Arabica. Mais ça, c'est Robusta, c'est très haut. Arabica sont tout petits, poussés en Tanzanie, poussent bien là. Mais ici, Arabica, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, on les ramasse quand ils sont rouges comme ça. Mm-hmm. On les fait sécher. On les torréfie. Après, on les broie oui, en poudre. Mais ici, on mélange café gingembre, café cardamome, café cannelle. Après, avec les épices. Oui, avec les épices. Après, on fait une fusion, on boit. Et ça, c'est le café de Zanzibar. C'est le café du Zanzibar. Zanzibar exporte son café? Café, oui, oui. Oui. Oui. Mmh. Mais là, donc, avec des arbres hauts comme ça, c'est oui, ça, Robusta. Ça, c'est Robusta. Arabica, c'est plus bas. Plus bas, plus petit. Hein. Plus petit, oui. OK ouais, c'est clair voilà. Caféier. Oui. Caféier, oui, l'arbre, mmh, c'est caféier. Ah, moi, j'en avais vu, mais j'avais vu petit arbre. Je ne sais ah plus ouais, dans quel pays. Petit arbre en ah Asie, je crois. Ah oui, c'est la première fois pour vous voir. De voir un gros caféier aussi haut. Ah ça fait combien, ça, de hauteur? Je ne sais pas, 10 mètres Ça, ça fait comme 8-9 mètres, comme ça. Et ça, vous voyez? Ça, ça ressemble là, un peu à une ça, noix. Une noix avec à l'intérieur un peu la forme, ça, la forme d'une olive, plutôt rouge. C'est très beau, hein? Et le nom, c'est quoi? Ça, c'est le noix de muscade. Ah, la noix de muscade. Oui, c'est ah, ça, oui, la noix de muscade. Ah, ben, une fois qu'on enlève le rouge, effectivement. Ouais. Chez vous, en fait, vous trouvez comme le noyau noir. C'est ça, on trouve le noir et ouais, puis on va râper nous, la noix de muscade noire, mais sans ce rouge par-dessus. Oui, mais si, ici, c'est en fait... Mais cette fibre rouge, on l'utilise ici. On l'utilise, les fibres rouges. Dans le parfum. Oui. Mmh. Avec cette fibre rouge par-dessus, c'est très beau, hein, ouais, c'est la noix trop de muscade. Oui, hein, c'est comme ça. Ouais. Et chez vous, le noix de muscade, vous l'utilisez dans la sauce, comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ici, Zanzibar, en fait, majorité du monde, c'est musulman. Ouais. Et ici, les musulmans, habituellement, s'il y en a quelqu'un qui veut marier, on met la musique. Oui, la musique, c'est quand les femmes qui dansent. Alors, il y en a quelques en fait, femmes qui sont timides pour danser là-bas. Alors, bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chercher les noix de muscade. En poudre, elles mettent dans du thé, sinon elles mettent dans de l'eau, après elles boivent. Après, elles peuvent danser sans timide. Ah bon? Ça désinhibe la noix de muscade? C'est comme ça. Et aussi, ça, c'est bon. Ça, on dit, c'est crac-crac pour les femmes. Crac-crac? Ouais, pour les femmes. Mais c'est pas pour les hommes. Hein. À l'intérieur, elle est toute blanche. Là, elle est fraîche. Là, non, il faut faire les sécher en fait. Non, mais c'est ça. Quand on, oui, voilà, c'est ça. Et là, elle est fraîche. Là, elle est fraîche. On le fait sécher, ça, ouais, ça devient sec. Et la couleur va changer à l'intérieur aussi. Ouais, hein. Ça devient marron. Ça devient marron à l'intérieur. Voilà, alors que là, c'est blanc. Là, il est à l'intérieur blanc, de la noix de muscade, c'est tout ça, blanc. C'est le noix de muscade, ok? C'est clair? Ouais, la noix. Tout l'habitable. Ouais, on passe par là. Des fermes comme ça, ouais, qu'on visite, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur l'île. Suite de cette visite olfactive et gustative à Zanzibar avec guide obligatoire, le nôtre, c'est Julien qui a appris le français en 6 mois seulement. Suivez le guide, Thierry Georges. Et vous voyez là, ça ressemble comme les petits plantiers bambou, comme ça. Mais c'est pas les petits plantiers bambou. C'est quoi ça? Ça c'est du gingembre. Et gingembre, c'est les racines. Ouais. Donc là, les feuilles sont très vertes. Ouais. Et les racines blanches comme ça. Mais il est fort, hein. Ouais. Attention, ouais. Ah oui. Même on le sent, on est. Donc la racine de gingembre de couleur qui tire vers le jaune, hein, jaune clair. C'est ça. Et là, si on prend les racines et si on les jette là, après ça repose tout seul. Ah bon? Ouais, c'est comme ça. Parce si que on les jette racines, la racine, ça ressort. Ouais, ça parce... reprend. Ça reprend ouais, racine. La racine reprend racine. Ouf, voilà. Parce qu'en fait, la racine, c'est rhizome. Ouais, c'est ça. Ça repose comme tout le seul. Bambou, alors. Comme le bambou, voilà, c'est comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait aussi avec ça? Ici, dans Ziba, on fait soda. Soda, ah, au gingembre, qu'on l'appelle Stone Tangawizi. Ouf. Parce que nous, en Swahili, on dit Tangawizi, vous voyez là. Et là, Tangawizi, et aussi, c'est bon mal au ventre. Si tu es mal au ventre, on prend du gingembre frais comme ça. Mm-hmm. Sinon, on fait du thé avec gingembre, on boit, ça marche. Ouais. Et là, c'est bon pour arrêter de vomir. Si tu vomis, gingembre. Ouais, on prend du gingembre, on marche comme ça, frais, ça marche. Et aphrodisiaque alors. Voilà, pour toi. Oui, c'est, ouais, ça. C'est ça. Et ici, dans ce bar, pour les hommes qui ont 4 femmes, on utilise beaucoup de gingembre. Ah oui, parce qu'on est musulman, on doit avoir 4 femmes. Voilà, c'est comme ça. Donc pour les hommes qui ont 4 femmes, ils utilisent beaucoup de gingembre. Ouais. Ouais. Toi, combien kilos de gingembre est-ce que vous voulez? Je sais pas encore. Bah, une grosse quantité. Ouais. Et la poule, elle vient de sortir, une poule. Ouais, elle aime le gingembre aussi. C'est ça, ouais. Poulet des épices. Finalement, parfois, quand on cuit le poulet, enfin chez nous, on va lui ajouter des épices. Ouais. Mais ici, le poulet lui-même, il pousse au milieu des... Il est déjà épicé, naturellement, parce qu'il pousse et grandit au milieu des épices. Ah oui. Je voudrais un poulet au gingembre. Ouais, on va donner celui-ci, un poulet... Et lui, le farbiqué, en fait, il montre. Ah, il montre. C'est comme un épice. Je vais chez vous, on va se le voir. Et ça, on a cette plante habituellement qui utilise les feuilles. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est du henné. L'arbre à henné. Oui, l'arbre henné. On coupe les feuilles, on les fait sécher, après on les broie, on poutre. Ensuite, on cherche en fait du jus de citron vert et du thé normal. Ensuite, on cherche un petit bâton pour faire les dessins. Donc, sinon, l'arbre à henné, c'est un petit arbre. Hein. Ouais. On va prendre pour faire le henné les feuilles. Les feuilles. Les feuilles qu'on va faire sécher, qu'on va piler. Ouais. C'est comme ça. Et des fois, les femmes de Zanzibar utilisent les racines pour avorter. Elles font une fusion comme ça. Après, elles boivent. Ça marche. Ça marche. Ouais, c'est comme ça. C'est un avortement naturel. C'est ça. Méthode naturelle abortive. Ok. Ouais. Mais à Zanzibar, on a beaucoup d'enfants quand même. Ouais, beaucoup d'enfants en fait. En général, les familles, combien d'enfants? Ouais, en général, 5, 6, comme ça. Mais il y en a les autres qui ont même 15, les enfants. 15? Wow. Enfin, pour les gens qui ont 4 femmes, qui ont 4 femmes. Mmh. Oui, il peut avoir comme ça, 15. Moi, je connais un écrivain qui a grandi au Cameroun. Son père avait 2 femmes. Ouais. Et il a eu 16 enfants avec chaque femme. Ah, ouais. Donc 32. Ouais. Mais seulement avec 2 femmes. 32. 32. Avec 2 femmes. Ouais. C'est beaucoup, hein. Ah oui, il a utilisé beaucoup de gingembre. Ouais. Et vous voyez là? Alors, ça ressemble, on dirait un peu des haricots. Oui, là, en fait, c'est quoi? Des haricots plats, enfin très plats. Oui, c'est comme les haricots, mais ça, c'est les vanilles. Ah, c'est la vanille. C'est la vanille. Et ça, en fait, comme vous voyez, ça commence avec le fleur. C'est orchidée. Oui, maintenant, on fait la pollinisation manuelle. Oui, si on ne fait pas toute la pollinisation, toutes les fleurs tombent et on ne trouve rien. Ouais. Et là, en fait, après 6 mois, on trouve le gousse de vanille comme ça. Et là, ce n'est pas mûr encore. On attache jusqu'à jaune un petit peu. On les ramasse quand ils sont jaunes. Après, on les fait sécher. Mais on fait sécher à l'ombre. Si on fait sécher au soleil, on sèche l'odeur. Alors, on fait sécher à l'ombre comme ça pour garder l'odeur. Là, elles sont vertes encore. Ouais, hein. Ouais. Donc, après, quand ça va continuer à pousser, elle va devenir jaune. Jaune, ouais. Et puis après, on va la récolter quand elle est jaune. C'est ça. Et on va la faire sécher. Voilà. Mais pas au soleil. Pas au soleil. À l'ombre. On la fait sécher longtemps? On fait sécher, en fait, 2 semaines comme 2 semaines. Ouais. Parce que qu'est-ce qui va faire que la gousse de vanille, une bonne gousse de vanille, c'est une gousse de vanille qui reste grasse hein, quand même. Ouais, c'est on la ça. Récolte quand la vanille? La vanille, ça, on les récolte décembre, en fait, et janvier comme ça. Ah oui. Et une seule fois dans l'année? Oui, une seule fois par an. Mm-hmm. Ouais. C'est cher la vanille? C'est cher, quoi. Ouais, la vanille, cher. C'est cher. Et ça, c'est l'arbre qu'on appelle l'arbre d'Orient. Ouais. Le fruit d'Orient. Alors, énorme arbre. Énorme, comme ça. Ouais. Et là, c'est le coq. Tronc de branches. Ça, c'est le coq. Dedans, habituellement, il est comme ça. Et dedans, il y a le noyau et la chair est blanc. Mm-hmm. Mais nous, on mange la chair. Il est trop bon, mais en fait, ça sent les pieds. Ça sent les pieds, ça sent l'oignon. Pour nous, le durian pue. Oui, pue. Là, on sent pas trop, mais quand c'est la saison du durian, on le sent à plusieurs mètres, le durian. Hein. Mm-hmm. Et ça sent. Enfin, c'est une odeur que les touristes n'aiment pas. C'est ça. Enfin, peut-être quelques-uns, mais sinon, en général, on n'aime pas le durian. C'est ça. Et toi, tu aimes le durian? Moi, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien. Mais c'est un fruit qui est un fruit cher aussi, le durian. Oui, le durian, c'est un fruit cher. Parce que c'est le fruit par. On le trouve comme par saison. On ne les trouve pas toute l'année. Un autre fruit qui est aussi excellent fruit, qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup en Europe, je pense. Parce que je ne sais pas s'il est exporté, ce fruit-là. Non, hein, c'est pas exporté. Ça, ouais, c'est pas comme la mangue, etc. Ça, on l'appelle le fruit de Jacques. Voilà, jackfruit. Oui, jackfruit. Mais attention, il y en a fruit de Jacques ou bien Jacques Chirac, c'est pas le même. Oui. Ouais. Et bon. Ça, c'est le plus grand fruit, le plus grand fruit du monde. Oui, c'est un gros fruit. Hein. Oui, un grand fruit. Là, ils sont petits. Là, ils sont petits. Mais ça peut être gros comme. Gros, il pèse 15 kilos. 15 kilos. Ouais, très lourd. Et là, s'il tombe sur la tête, il faut dire Alléluia. Ah oui. Normalement, il ne tombe pas tout seul. Ouais. Il faut aller chercher comme ça. Ouais. Bon, là, ils ne sont pas très gros. Oui, là, ils ne sont pas très grands, ils sont encore petits. Mais sinon, on peut mourir. Oui, tu peux. Il faut. C'est arrivé. Ouais, c'est arrivé comme ça. Ouais. Mm-hmm. Donc, c'est un gros arbre, un grand arbre. Et là, toujours, il pousse sur le tronc comme ça. Directement. Oui, s'il pousse sur la branche, ça casse la branche parce qu'il est lourd. Parce que c'est trop lourd. Ouais. Ouais. Et donc, effectivement, sur le tronc. Sur le tronc comme ça. Et le fruit de Jacques, dedans, en fait, il y en a la chair jaune. C'est dans des alvéoles. Et là, en fait, nous, on mange la chair. Ouais. Et le goût entre banane et ananas. C'est pas un fruit qui est très juteux. Hein. C'est pas très juteux. C'est hein. pas très juteux. Voilà. Mm-hmm. C'est pas très juteux. C'est le goût en fait qui est très bon. Le goût entre banane et ananas. Ouais. Ouais. Et quand on touche le fruit, et ben après, on a les mains qui collent. Ah ouais, c'est ça. Ça colle dedans. Ça colle. Ouais, voilà. Ça colle. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ouais, en fait, avant de manger ça, il faut mettre l'huile. On fait l'huile de coco, de noix de coco. On met avant de manger. Après, si on mange, ça colle pas en fait. Ah, ça glisse. Mais si on met rien, ça colle. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Mm-hmm. Et dans certains pays, moi j'avais vu, on utilisait de l'essence pour se nettoyer les mains. Ouais, ouais. C'est l'essence comme ça. White spirit. Ah ouais. Mais pourquoi ça s'appelle le fruit de Jacques? C'est pas à cause de Jacques Chirac. Ouais, non. Mais il y en a les gens en fait qui disent un petit peu l'histoire. Ouais. Ouais, mais ça c'est comme l'histoire, c'est pas vrai. Hein. Oui, bien sûr. Ça en fait, les gens ils disent. Pourquoi on l'appelait le fruit de Jacques? Parce qu'avant, on l'appelait fruit sauvage. Mais en fait, Jacques Chirac de France, quand il est venu ici pour visiter. Et quand il est passé là, il a goûté ça, il a trouvé ça, c'est bon. Les gens, il a demandé, on l'appelle comment ça? Les gens, ils disent, on l'appelle le fruit de Jacques, fruit sauvage. Alors lui, il a dit, en fait, pour commencer maintenant, vous allez l'appeler sur mon nom. Fruit de Jacques. Voilà. Si Obama était là, c'était le fruit obamique. Le fruit de Barack. Oui, c'est ça. C'est une belle histoire. C'est pas vrai, mais c'est une belle histoire. Ouais, c'est pas vrai comme ça. Et là, en fait, vous voyez, en fait. Là, on dirait des litchis. Oui, bien essayé, mais c'est pas litchi. C'est pas litchi. C'est pas litchi. Ah non, ça ressemble un peu. Ça ressemble. La forme n'est pas tout à fait pareille parce que le litchi, c'est plus rond. Voilà. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec les noyaux comme ça? Et là, habituellement, en fait, on l'écrase. Oui, après, on l'utilise. Pour colorer comme ça. Mais comment ça s'appelle ça? Ça on l'appelle roucou ou bien rouge à lèvres. Ah, rouge à lèvres, ouais, c'est pas pour manger? Ouais, on mange, on fait curry rouge avec ça. Les pépins, on prend les pépins, on les fait curry rouge. Plus un colorant. Colorant, voilà. Et les Maasai utilisent beaucoup pour colorer les cheveux avec ça. Les cheveux? Les cheveux. Donc le nom c'est? On l'appelle en fait roucou. Roku. Là, c'est clair. Ouais. Hakuna Matata. Alors, on va se quitter là. Eh ben, merci beaucoup. Et bravo pour le français. Merci. On a pris, commencé en 6 mois, hein, chapeau. Hein. Merci beaucoup. Et puis, donc, si on veut venir faire une visite ici en français, on demande Julias. C'est ça. Julien. Ouais, faire avec Julien en français. C'est ça. Direction le nord, la côte nord, à Nungwi, où nous attend Marco Calderon, directeur du Doubletree Resort, qu'on atteint après avoir traversé le village de pêcheurs. Zanzibar. Est-ce que le nom de Zanzibar, alors c'est un nom qui fait rêver hein, quand on discute, enfin je pense partout dans le monde, enfin en France, à Zanzibar, le nom de Zanzibar, c'est un nom qui fait rêver. Est-ce que Marco Calderon, Zanzibar, ce nom, avant de découvrir Zanzibar, vous faisait rêver? Oui, depuis que j'étais en jeune âge, j'ai toujours rêvé de passer des vacances à Zanzibar. Pour moi, c'était une destination très loin, exotique, pleine de secrets et pleine de choses à découvrir. Donc voilà, oui, tout à fait. C'est tout à fait une destination qui me faisait rêver avant. Est-ce que la réalité... Alors bon, cela dit, vous êtes un Zanzibari, mais depuis assez peu de temps. Hein, vous êtes un jeune Zanzibari. Exactement. Donc depuis quelques mois seulement, quand on se rencontre, est-ce que la réalité est à la hauteur du mythe? Je dois dire oui, tout à fait. On découvre un paradis sur Terre, alors que on pense que ça peut pas exister. Franchement, je suis pas déçu de ce que j'ai découvert, malgré le contexte de pauvreté qui nous entoure. On a quand même un vrai paradis sur Terre. Tamasha la sauti za busara. Tamasha la sauti za busara. Mji mkongwe Zanzibar. Muziki wa Afrika 100% live. 100% live. Kuanzia Jumatatu tarehe 15 mwezi wa pili 2013 kwa siku tatu, wasanii bora kutoka Afrika watakaoshambulia jukwaa la sauti za busara ni Sheikh Low kutoka Senegal. Comment décrire, vous dirigez l'hôtel DoubleTree hein, qui fait partie du groupe des hôtels Hilton, ce DoubleTree à Nungwi. On est dans le nord, hein. On est tout à fait au nord de l'île de Zanzibar. Comment décrire plutôt cette région du nord? Bon, moi, je connais pas encore bien tout Zanzibar, donc je sais pas si c'est très différent du sud ou de l'est ou de l'ouest. Elle est différente, elle est spéciale. C'est la zone où on est les plus exposés par rapport à tout ce qui est les vents, par exemple. Ah, alors là, ça peut témoigner, il y a du vent. surtout dans cette période, le mois de janvier, on a des journées très où les vents se fait bien sentir. Bon, ça fait le paradis de tous ceux qui font du parasailing. Ah oui, parasailing, c'est l'endroit idéal. De la voile aussi, de la planche à voile. Donc il y a de quoi faire. Et du kitesurf aussi. La partie nord, c'est un peu une partie sauvage. La zone qui a été le plus exploitée, c'est la zone Est, qui malgré tout offre un phénomène de marée basse souvent très très important, mm-hmm. alors que dans cette zone on arrive à les contenir, oui. Et à pouvoir profiter un peu plus. Parce que déjà là on se dit quand la mer est basse, bah, elle est très basse, mais finalement ailleurs on va découvrir que quand la mer est basse elle est encore plus basse. Exactement, c'est ça. On arrive, on m'a dit, sous la partie Est, on arrive même à faire un kilomètre de marée basse. Donc, c'est ça, donc elle va remonter un kilomètre, c'est énorme. Ça, ouais. Mais par contre, il faut savoir l'apprécier parce qu'on découvre des merveilles de la faune marine qui sont absolument magnifiques. On peut voir des espèces d'étoiles des mers, des oursins, des roches, des corails à dire peu magnifiques, qu'on peut admirer voilà, pendant la marée basse. Donc il faut savoir apprécier aussi la marée basse. Et il faut être chaussé parce que sinon on marche sur les oursins et sans chaussures on se fait mal. Hein. Exactement. Par contre ici on a un gros avantage, donc on peut profiter de la marée basse, mais aussi on peut se baigner même en phénomène de marée basse juste à 5 minutes à pied de l'hôtel en ayant à gauche. On a une plage qui est jamais affectée par la marée. Huu ni mradi wa mboga mboga unkuja na Pemba na ambao ni moja mafanikio ya miradi ya Tanzania Gas Fit Trust yani TGT ambao unarahisisha masoko kwa watu wenye kipato cha chini. Je ne sais pas si tous les hôtels sont comme celui-ci, en gardant une architecture assez typique de Zanzibar avec un toit en paille. Makuti. Alors voilà, Makuti. S'appelle. C'est des feuilles de palmier séchées et travaillées pour les faire devenir comme des tuiles, comme on utilise chez nous, des petits carreaux de feuilles de palmier qui sont disposés sur le même principe que les tuiles. Et je dois dire que ça répare de l'eau. Ça protège bien. Ouais. Ah oui, ça protège très bien. On trouve souvent, la majorité des resorts est sur ce style-là parce que on veut bien aussi s'intégrer dans le paysage, le contexte, dans la nature. Et... Donc très souvent, mais disons qu'il y en a qui sont un peu plus adaptés au paysage, il y en a qui sont un peu moins. Voilà. Nous, je pense qu'on est sur le bon respect du paysage. Même au niveau de notre déco, on a opté pour une déco locale. Donc tous nos meubles sont faits par des artisans locaux, avec du bois local, tout en respectant la tradition de l'île. Et c'est un très beau resort, directement au bord de l'eau, bien sûr, avec la plage, avec le sable, la piscine, enfin très très agréable quand on déjeune ou quand on dîne ou qu'on prend le petit déjeuner. On est à quelques mètres seulement de l'océan Indien. Vous avez, depuis que vous êtes arrivé, donc il y a quelques mois, vous avez eu le temps déjà de faire le tour de l'île, qui n'est pas si grande, hein, l'île de Zanzibar. L'île, on peut se dire que de l'extrême pointe nord à l'extrême pointe sud, en voiture, il faut 2 heures. Donc c'est assez rapide malgré les conditions de routières qui ne sont pas exceptionnelles. Donc vous conduisez vous-même ? Non, je me fais conduire. J'ai essayé mes très courts trajets. J'ai un peu découvert. J'ai découvert le sud, qui est très connu pour avoir la possibilité de nager avec les dauphins. Chose que j'ai pu faire. J'ai rencontré un banc de 9 dauphins avec lesquels j'ai nagé, et je peux vous garantir que c'est une expérience magnifique, parce que contrairement à ce qu'on peut voir dans des aquariums, ils sont bien entraînés, ils viennent vers vous, etc. Eux, c'est vraiment à l'état sauvage, donc ils font leur vie et vous les observez. C'est des émotions, voilà, qui vraiment vous restent bien gravées dans votre mémoire. Jambo, jambo kwana, habari gani, nzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Alors c'est ça aussi Zanzibar, c'est un hôtel comme celui-ci, un bel hôtel, ce resort, et à quelques mètres un village de pêcheurs où on vit d'une manière beaucoup plus modeste, plus pauvre. Hein. Oui, tout à fait. Juste à 2 mètres. Hein. Nous sommes dès la sortie de l'hôtel, vraiment à l'intérieur du village de Nungui, un village 100% pêcheur. Nous avons aussi, pas loin de chez nous, où nous amenons nos clients souvent pendant nos activités, visiter l'atelier où les bateaux de pêche sont réparés, construits, où on fait l'entretien. Boutres, hein. Exactement. Mm-hmm. On a les marchés de Nungui, qui est de marché aux poissons, qui est vraiment juste à côté. Et c'est vrai que les conditions du village sont bien différentes par rapport à celles qu'on vit à l'intérieur du resort. Nous, dans notre petit, on essaie de faire plein d'initiatives. On a plein d'initiatives avec les villages pour essayer de l'aider dans l'aventure et soutenir. Oui. On est très sensible. On est sur tout ce qui est communauté. Pas mal d'activités ciblées au recrutement de gens du village. Donc après une phase de stagiaire, avoir la possibilité de s'insérer dans le monde du travail. Souvent, on fait des activités où à la fois aussi on engage nos clients, que ce soit le village cleaning village. Ou parfois on a la beach cleaning aussi. C'est-à-dire On engage tous ceux qui veulent participer. Donc les clients de l'hôtel. Les clients de l'hôtel aussi, avec le personnel de l'hôtel. On va soit sur la plage ou dans les villages et on ramasse, plage, on ramasse tout ce qui est poubelle. Et voilà. Les clients, ils apprécient beaucoup. Ils apprécient. Oui. Voilà. On a fait des activités. Vous dites pas, mais je paye assez cher cet hôtel. Je ne vais quand même pas aller. Non, parce que en fait parfois on a un petit sens de culpabilité. Et on se sent un peu coupable en étant dans un resort comme ça, en payant des chiffres que tout le monde peut connaître, et voir qu'à côté de nous, il y a des gens qui ont du mal à arriver à la fin de la journée. On sent qu'on a besoin de faire quelque chose, et on s'est dit, ben, dans une semaine de vacances ou 15 jours de vacances que je passe là, si je donne 2 heures de mon temps à la communauté, je pense que ça fait du bien, ça fait ressourcer. Je pense qu'on revient après à la vie de tous les jours, ressourcer, donc avec un reset des valeurs, des vraies valeurs de la vie. Et ça fait du bien. Cette été facile pour vous intégrer? Enfin, vous êtes peut-être toujours encore en phase d'intégration. Je le suis, mais c'était une très belle surprise que j'ai eue. Est-ce que c'est pas votre première expérience? C'est pas ma première expérience. J'ai eu des expériences. Donc vous êtes italien. Je suis Marco. Italien, oui. J'ai travaillé un peu partout en Italie, entre Florence, Rome, l'île de Capri. Donc magnifique. Des endroits de rêve, de aussi. Rêve, si on peut dire. Ensuite, j'ai eu des expériences en Maghreb, notamment en Algérie. Pendant un an et demi. Ouais, qui n'est pas un pays touristique. Hein. Voilà. Et en arrivant ici, je m'attendais, étant dans un pays de l'Afrique noire, d'avoir des problèmes aussi au niveau culturel. Je dois vous avouer que j'étais extrêmement positivement surpris de la gentillesse et que ces gens ont des naissances. Il n'y a pas de formation pour être gentil et pour avoir un sens de l'hospitalité. Je dois vous avouer que j'étais choqué. Je suis resté bouche bée. Ouais, choqué dans le bon sens. Hein. Exactement, choqué dans le bon sens, bien sûr. Ça m'a aidé et à partir avec plein de projets que mes collaborateurs ont bien pris et accepté. Ils m'ont tous bien accepté. Je suis à côté d'eux. Il faut se mettre toujours à côté d'eux et pas au-dessus. Parce que voilà, il faut pas oublier qu'on est des étrangers. Vous êtes un jeune directeur aussi. Hein. J'ai 37 ans, donc disons que j'ai brûlé un peu les étapes. Mais voilà, il faut vraiment ne pas oublier. Chose que je conseille à tous mes camarades. Il faut pas oublier qu'on est là pour faire en sorte qu'un jour ces pays n'auront plus besoin d'expatriés. Ouais. Et il faut pas être là pour imposer quelque chose, mais pour leur apprendre et ne pas oublier, jamais oublier qu'on n'est pas chez nous. Il faut toujours respecter et ne pas oublier le fait qu'on est accueilli dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc il faut s'adapter aux règles du pays qu'on trouve, à la culture et essayer de développer aussi nos esprits, pas seulement l'esprit de nos collaborateurs. Parce que parfois, on est un peu borné, un peu casé dans nos certitudes occidentales qui nous rend un peu aveugle. Donc voilà, il faut vraiment... Je pense que c'est une des clés pour réussir dans certains pays. Le tourisme, ça fait quelques décennies seulement, le tourisme s'est développé à Zanzibar. Exactement, et il faut en dehors seulement des aventuriers penser, il faut penser que jusqu'à la moitié des années 60, c'était toujours une colonie du sultanat de l'Oman. Donc le développement de ce pays a tardé à arriver. Et surtout si on parle, par exemple, les marchés français, eh bien encore moins, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui se dirigent vers des destinations comme Maurice ou Seychelles ou des pays francophones. Donc Zanzibar, moi j'étais mort de rire avec ma femme quand on a annoncé qu'on partait à Zanzibar. Il y a plusieurs amis, quand on disait Zanzibar, ils disaient « Ah oui, et c'est où ?» On est encore à ce niveau-là, donc il y a beaucoup à faire. Dans certains pays de l'Europe pour faire connaître ce pays qui est, à mon sens, merveilleux. Les touristes aujourd'hui ont tendance à ne pas se diriger vers des pays musulmans et Zanzibar est un pays forte domination musulmane. C'est ça. C'est aussi très bizarre de comment voir la cohabitation entre la communauté musulmane de Zanzibar et la communauté à majorité chrétienne tanzanienne. C'est à 2 heures de bateau. Hein, exactement, exactement. Et en plus, Zanzibar, il est rattaché, même au niveau politique, à la Tanzanie. Donc, il y a, même à l'intérieur de l'hôtel, j'ai une communauté musulmane, une communauté chrétienne, et qui vont très bien ensemble. J'ai jamais eu des soucis par rapport à la religion. Et ça, c'est beau de voir comment tous les mondes se sont pareils et tous les mondes respectent en même temps la religion de l'autre. S'il y a quelqu'un qui craint par rapport au fait que c'est un pays musulman, je dis qu'il n'y a rien à craindre, en toute honnêteté. Je suis prêt, je mets mon nom et mon prénom pour le garantir. Grazie mille, Marco. Donc je vais vous laisser parce que je vais me baigner. Hein. Vous allez vous baigner tous les jours? Et j'essaye. Quand je finis mes journées, de temps en temps, soit je me mets à observer le coucher du soleil ou une petite baignade. Oui, c'est l'avantage d'être expatrié dans un pays comme ça. Asante sana. Karibu sana. Grazie Marco Calderone, directeur du Double Tree Resort de Nungwi, au nord de l'île d'Unguja, la grande île de l'archipel de Zanzibar en Tanzanie. Merci Ousmane, notre guide à Stone Town. À Santé Sana, merci beaucoup Julien, à la ferme aux épices. Réalisation Roman Feocchio, un guide conseillé le petit futé Zanzibar et le site internet doubletree.hilton.com/Zanzibar. Hakuna Matata. Hakuna Matata.